إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous avions évoqué la semaine dernière le refus de combattre des enfants d'Israël lorsque leur prophète Moussa alayhi salat wa salam leur ordonna cela. À la suite de ce refus, Allah subhanahu wa ta'ala décida de les punir face à cette transgression et il leur fut interdit la terre sainte pendant 40 années, où ils furent obligés d'errer sur terre en attendant la fin de cette période de privation. قال الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. La sourate numéro 20, les versets 80 à 82. Ô enfants d'Israël, nous vous avons déjà délivré de votre ennemi et nous vous avons donné rendez-vous sur le flanc droit du mont. Et nous avons fait descendre sur vous la manne et les cailles. Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées et ne vous montrez pas ingrats. Sinon ma colère s'abattra sur vous, et celui sur qui ma colère s'abat va sûrement vers l'abîme. Et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit ses bonnes œuvres, puis se met sur le bon chemin. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, tabarak wa ta'ala, a dit, en commentaire de ces versets coraniques, Allah jalla jalaluhu va rappeler ses faveurs et sa bienfaisance envers les enfants d'Israël, qu'il a sauvé de leurs ennemis et libéré de la difficulté et de la peine, et à qui il a donné rendez-vous avec leur prophète sur le côté droit du mont At-Tur, leur révélant ainsi les lois grandioses, comportant tout le bien pour eux, aussi bien en ce bas monde que dans l'au-delà. Également, comment, alors qu'ils étaient dans la difficulté et le besoin lors de leur voyage sur une terre ne comportant ni culture ni élevage, il fit descendre sur eux ses bienfaits du ciel, qu'ils recueillirent au matin devant chez eux, prenant de quoi se nourrir jusqu'au lendemain. Ceux qui en gardaient plus que nécessaire voyaient leur nourriture pourrir, alors que ceux qui en prenaient une petite quantité, elle leur suffisait amplement. Ils en faisaient un pain très blanc et doux. À la fin de la journée, une nuée de cailles les survolait et ils en chassaient sans effort ce qui leur suffisait pour le dîner. En été, Allah les recouvrait de nuages qui les protégeaient de la chaleur et de la lumière du soleil. Fin de citation. قال الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبغي وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Sourate numéro 2, les versets 40 à 46. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous devez redouter. Croyez à ce que j'ai révélé en confirmation de ce qui était déjà avec vous. Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Et n'échangez pas mes versets contre un vil prix. Et c'est moi que vous devez craindre. Ne mêlez pas le faux à la vérité et ne cachez pas sciemment la vérité. Accomplissez la prière, acquittez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Commanderez-vous aux gens de faire le bien en oubliant vos propres personnes alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Et cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les gens humbles, ceux qui ont la certitude qu'ils rencontreront leur Seigneur et retourneront vers lui. Allah Jalla wa Ala nous rappelle ici l'engagement qu'il a pris des enfants d'Israël à croire au messager Mohammed alayhi salatu wa salam, et à le suivre. À ne pas cacher sciemment la vérité en disant que Mohammed a été envoyé exclusivement aux Arabes ou d'autres paroles de ce genre. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Ce sont les versets 47 à 53 de la même sourate, Al-Baqarah. Ô enfants d'Israël, souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblés et que je vous ai préférés à tous les peuples de l'époque. Redoutez le jour où aucune âme ne prendra la place d'une autre en quoi que ce soit, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession, ni on recevra d'elle de compensation. Et ils ne seront point secourus. Et rappelez-vous lorsque nous vous avons délivré du peuple de Pharaon qui vous infligeait le pire châtiment en égorgeant vos fils et épargnant vos femmes. C'était là une grande épreuve de la part de votre Seigneur. Et rappelez-vous lorsque nous avons fendu la mer pour vous donner passage. Nous vous avons délivré et nous avons noyé le peuple de Pharaon tandis que vous regardiez. Et rappelez-vous lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moussa pendant 40 nuits. Puis après son départ, vous avez pris le veau pour idole en commettant ainsi l'injustice. Mais en dépit de cela, nous vous pardonnâmes afin que vous remerciez Allah pour ses bienfaits. Et rappelez-vous lorsque nous avons donné à Moussa le livre et le discernement afin que vous soyez guidés. Allah tabaraka wa ta'ala va leur rappeler ici 4 grands bienfaits face auxquels il leur a demandé d'être reconnaissants, notamment en croyant au messager Mohammed et en les suivant. Premièrement, le premier de ses bienfaits, c'est qu'ils furent sauvés de Pharaon et de ses soldats, ainsi que de son autorité tyrannique sur eux, comme ils furent débarrassés des châtiments qu'ils subissaient de sa part auparavant. En effet, il tuait les hommes et laissait en vie les femmes afin de les asservir. Deuxième bienfait, Allah leur ouvrit la mer afin de les sauver et la referma sur leurs ennemis qui furent noyés sous leurs yeux. Troisième grand bienfait, Allah les pardonna quand ils adorèrent le veau d'or et ne les châtia pas pour cela. Et cela, afin qu'ils lui soient reconnaissants en l'adorant lui seul, sans associé. Quatrième grand bienfait, Allah leur fit descendre un livre, At-Tawrah, dans laquelle il y a une guidée et une lumière. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنْظُرُونَ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ce sont les versets 54 à 61 de la même sourate. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets: Et rappelez-vous lorsque Moussa dit à son peuple: Ô mon peuple, certes, vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole. Revenez donc à votre Créateur en vous tuant entre vous. Il a été dit ici plusieurs explications. La première, c'est que ceux qui avaient adoré le veau devaient être tués par ceux qui ne l'avaient pas adoré. Une autre explication est que chacun devait se tuer mutuellement, car même si une partie d'entre eux n'avait pas adoré le veau, ils s'étaient tués et ne les avaient pas réprimés pour cela. Ils furent donc coupables pour leur silence. Revenez donc à votre Créateur en vous tuant entre vous. Cela est meilleur pour vous auprès de votre Créateur. C'est ainsi qu'il agréa votre repentir, car il est celui qui accueille le repentir, le miséricordieux. Et rappelez-vous lorsque vous dites: Ô Moussa, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement. C'est alors que la mort vous saisit, tandis que vous regardiez. Puis nous vous ressuscitâmes afin que vous soyez reconnaissants. Et nous vous couvrîmes de l'ombre d'un nuage, et nous fîmes descendre sur vous la manne et des cailles. Mangez des délices que nous avons attribués. Ce n'est pas à nous qu'ils firent du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Et rappelez-vous lorsque nous dîmes: Entrez dans cette ville et mangez-y à l'envi où il vous plaira. Et entrez par la porte en vous prosternant, c'est-à-dire en vous inclinant et en demandant le pardon pour vos péchés. Nous vous pardonnerons alors vos fautes et donneront plus encore aux bienfaisants. Mais à ces paroles, les injustes en substituèrent d'autres, et pour les punir de leur fourberie, nous leur envoyâmes du ciel un châtiment avilissant. Et rappelez-vous quand Moussa demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, c'est alors que nous dîmes: Frappe le rocher avec ton bâton. Et tout à coup, 12 sources en jaillirent, et chaque tribu sut d'où s'abreuver. Mangez et buvez de ce qu'Allah vous accorde, et ne semez pas de troubles sur terre. Et rappelez-vous lorsque vous dites: Ô Moussa, nous ne pouvons plus supporter de ne manger qu'une seule nourriture. Invoque ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle fait pousser comme légumes, comme concombres, comme ail. Il a aussi été dit comme blé, comme lentilles et oignons. Moussa répondit: Voulez-vous échanger ce qui est meilleur pour ce qui est moins bon? Descendez donc dans n'importe quelle ville et vous y trouverez certainement ce que vous demandez. L'humiliation et la misère s'abattirent sur eux et ils encoururent la colère d'Allah. Ceci parce qu'ils reniaient les signes d'Allah et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. Ceci parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Il y a pas mal de versets ici dont nous expliquerons en détail la teneur dans les cours prochains, mais je vais m'arrêter sur un ou deux passages de ces versets qui ont été cités juste avant. Allah Jalla Jalalu nous rappelle ici cet épisode de l'errance des enfants d'Israël sur terre. Allah Jalla Jalalu les gratifia de plusieurs bienfaits. Premièrement, la manne, al-man, qu'on appelle en français la manne, qui est une forme de nectar blanc que sécrètent certains arbres ou leurs feuilles et dont le goût est comparable au miel. Elle a la même teneur, cette manne, que de la farine qui a été mélangée avec de l'eau et qui forme une pâte. Deuxième bienfait, as-salwa. As-salwa, qui est la taille. C'est un oiseau terrestre facile à chasser dont le vent du sud les poussait vers les enfants d'Israël chaque soir. De telle sorte qu'ils mangeaient le matin la manne et ils en faisaient même du pain. Et ils mangeaient le soir des cailles. Et ceci les rassasiait. Troisièmement, Allah tabarak wa ta'ala, pendant les étés de grande chaleur, Allah les couvrait par un nuage, les protégeant ainsi du soleil et les préservant ainsi de la chaleur. Quatrième bienfait, Allah tabarak wa ta'ala fit jaillir pour eux 12 sources d'eau qui permirent à ces tribus de boire à volonté. De même, Allah tabarak wa ta'ala nous rappelle que la situation d'errance dans laquelle ils se trouvaient est la conséquence de leur injustice envers eux-mêmes. وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Ce n'est pas à Allah qu'ils firent du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Comment? Lorsqu'ils refusèrent de combattre les ennemis dans la ville sainte et désobéirent de ce fait aux injonctions divines et prophétiques. L'imam Ibn Kathir, rahimallah tabarak wa ta'ala, a dit: Allah Jalla Jalalu mentionne ses bienfaits et sa bienfaisance envers les enfants d'Israël, comme la manne et les cailles qui leur parvenaient sans aucun effort. Allah leur envoyait la manne le matin et les cailles le soir. Il fit également jaillir l'eau d'un rocher lorsque Moussa le frappa avec son bâton, et duquel jaillit 12 sources, une pour chaque tribu. Le rocher se fendait, l'eau douce jaillissait, ils puisaient l'eau, en buvaient, abreuvaient leurs bêtes et en gardaient ce qui leur suffisait. Et Allah envoya également des nuages qui les protégeaient de la chaleur. Ce sont là des bienfaits éminents et des dons considérables, mais ils ne les appréciaient pas à leur juste valeur. Et ils n'accompagnèrent pas cela de la reconnaissance et des adorations qu'ils impliquaient. Plus encore, nombre d'entre eux se lassèrent et en furent dégoûtés, et demandèrent à Moussa alayhi salam de changer pour ce que la terre peut produire de légumes, de concombres, d'ail, de lentilles, d'oignons. Moussa alayhi salat wa salam les blâma, les réprimanda, leur reprocha leurs propos et se mit en colère contre eux en disant: « Voulez-vous échanger ce qui est meilleur pour ce qui est moins bon? Descendez donc dans n'importe quelle ville et vous y trouverez certainement ce que vous demandez. » C'est-à-dire que ce que vous demandez et ce que vous voulez à la place des bienfaits dans lesquels vous vivez sont disponibles chez les habitants des grandes comme des petites villes. Si vous y descendiez, vous, c'est-à-dire si vous quittiez ce degré que vous ne méritez pas, vous y trouverez tout ce que vous voudrez et tout ce que vous désirez comme nourriture vile et mauvaise. Quant à moi, je ne réponds pas à votre demande et je ne vous amènerai plus aux nourritures qu'on vous accordait. Tout cela montre qu'ils n'ont jamais cessé de faire ce qui leur a été interdit, comme Allah tabarak wa ta'ala le dit: كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى. Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées et ne vous montrez pas ingrat, sinon ma colère s'abattra sur vous et celui sur qui ma colère s'abat va sûrement vers les profondeurs de l'abîme. Il sera perdu, aura mérité la perte et l'anéantissement et la colère du roi sublime, du dominateur suprême. Mais Allah tabarak wa ta'ala a mêlé à ce dur avertissement l'espoir pour qui revient vers lui, se repent et cesse de suivre le diable. Wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le droit chemin, ou sur le bon chemin, ou sur la guidée. C'est-à-dire qu'il se maintient sur la guidée jusqu'à mourir sur elle. celui-ci est concerné par le pardon d'Allah. Quant à celui qui se repent, accomplit de bonnes œuvres, puis s'égare et meurt sur l'égarement, celui-là n'atteindra pas cette promesse. Allah a donc spécifié que le pardon est pour celui qui se repent, accomplit de bonnes œuvres et se maintient sur la guidée jusqu'à la mort. نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.